Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence. Bienvenue nombreux, comme vous êtes. Alors, pour ce soir, la première conférence, pour être libre, c'est contrôler les forces du mal. Alors, je me présente, je suis François Martel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Cette semaine, je suis allé manger sur une terrasse à Montréal, et puis je voyais des gens, j'étais dans un quartier, il y avait beaucoup de pauvreté, c'est un quartier assez cosmopolite, et puis je regardais les gens sur la rue. C'était un quartier mal famé. C'est là que tu te tiens. Non, je suis en visite. Ah. Et puis, je voyais les gens, puis ça faisait vraiment pitié, c'est-à-dire les gens étaient vraiment dans un état pitoyable. J'étais avec des amis, puis on regardait ça, puis je disais, je me sens vraiment pas bien à regarder ça, c'était vraiment pas agréable. Et puis, je me disais, mon Dieu, ces gens-là, quand ils sont nés, ils étaient longs comme ça, ils étaient tout roses, c'était des beaux petits bébés parfaits, puis la vie, ce qu'elle en a fait, c'était rendu pénible, c'était rendu pas joli à voir. Alors ça, c'était pour moi une démonstration de ce que c'est les forces du mal, c'est-à-dire que il me semble que ça ne fait pas partie de l'homme, ou en tout cas, ça ne devrait pas être comme ça, c'était vraiment pas quelque chose qui était beau à voir. Ça, c'est les forces du mal, ça. Mais est-ce que c'était les personnes chez qui je voyais ça, est-ce que c'était dans eux ou ils ne sont pas nés comme ça? C'est venu après? Comment que ça se passe, les forces du mal? Bon, premièrement, c'est évident que c'était pas dans eux. C'est évident que la solution se trouve dans eux, par exemple, que la solution se trouve en eux, sauf que la problématique ne vient pas de l'homme, ne vient pas donc de ses bébés, de ses enfants qui, en étant adultes, finissent par devenir soit clochards, soit charognards, soit même criminels, bandits, ou simplement même des bonnes personnes qui sont malheureuses régulièrement. On a un dicton planétaire qui dit que les bons partent les premiers. En tout cas, tous ceux qui étaient là, il était parti, les bons étaient partis parce que... Il restait juste les bons. Il restait juste les... Il y a un acteur dernièrement qui disait que lui ne croyait pas à Dieu. Puis en tout cas, il disait, si Dieu existe, Dieu est mauvais. Sinon, Dieu n'existe pas. Et n'importe quelle personne un peu lucide qui regarde la planète ne peut faire autrement que de dire ou bien Dieu n'existe pas, ou bien Dieu devrait être éliminé. Mm-hmm. Parce que c'est un beau sans-cœur. Mais évidemment, la majorité des personnes, par leur instruction, ont appris à aimer Dieu. Bien, ils voient toutes les difficultés de la vie, puis tout ce qui est, ce que moi je trouve de mal, comme étant quelque chose qui fait grandir l'homme, que l'homme doit apprendre là-dedans, puis finalement... Ça, c'est la résultante d'une dissonance cognitive, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas la capacité de... Actuellement, l'être humain n'a pas la capacité réelle de faire des choix et de supporter des questions sans réponse. Alors, à chaque fois que l'être humain a une question, il doit impérativement lui apposer une réponse, et quitte à inventer la réponse, quitte à prendre n'importe quelle réponse qui traîne, il va aller à la recherche de ses réponses et il va se les accaparer. Lorsque on va dans les pays, par exemple, pendant longtemps, Staline massacrait sa population, mais les gens adoraient Staline. Et il y a des gens qui l'adoraient par amour, il y a des gens qui l'adoraient par peur. Oui. Ben, les dieux, c'est la même chose. Certains aiment Dieu par amour, d'autres l'aiment à cause de l'enfer. Par crainte d'aller à l'enfer, donc ils vont choisir. Exactement. Et c'est évident que si on regarde, si on parle de bonté, ben, la bonté ne crée pas un monde dans lequel tu peux aller en enfer. Excuse, pardon, je me tasse un petit peu. J'ai besoin encore un peu. Aller en enfer éternellement, c'est la bonté. La bonté, c'est que tu fais tout ce que je dis, sinon tu vas le regretter éternellement. Mm. En fait, il faut que tu choisisses les bonnes voies là, pour être dans le bon côté. De toute façon, dans les religions, ce qui est le plus popularisé, c'est effectivement le côté négatif, quelles que soient les religions. Et avec les excommunions, avec tout ce que les églises et tout ce que les religions, les musulmans, les catholiques et les autres ont pu faire d'atrocités, toujours au nom de la bonté, mm-hmm. Et malgré tout, à travers les siècles, les gens disent que ces dieux-là sont toujours des bonnes personnes et ce sont des êtres, indépendamment des religions, qui doivent être suivis, qui doivent même être à qui on doit obéir. Mais si on regarde encore le contexte planétaire, on doit constater que chaque fois qu'il y a du bien sur la planète, c'est l'homme qui le fait. Et malgré que certains essaient de faire du bien, régulièrement, sans arrêt, tout le temps, les choses vont aller de travers. On va dire, oui, mais il y a donc des hommes qui font du mal. Ça dépend. Lorsqu'une tornade vient de balayer un quartier d'un village, l'homme ou la société, les humains qui sont là vont s'entraider, vont reconstruire. Mais la tornade, ce n'est pas les humains. Ah, c'est la nature. Ben, la nature, apparemment, selon les cosmogonies, elle est créée par des dieux bons. On voit ça souvent dans des cas justement de catastrophes ou de difficultés, encore dernièrement en Outaouais. Des choses qui ne sont pas créées par l'homme. C'est ça. Puis là, les hommes sont dans une situation d'urgence et là, ils vont s'entraider. Oui. C'est-à-dire que l'être humain a un seuil de tolérance en face des forces du mal et quand il atteint son seuil, ben là, il va s'entraider, se retrouver. Et lorsqu'il revient, lorsqu'il sort de cet état de guerre, cet état d'action, cet état de guerrier, il est beaucoup moins alerte, beaucoup moins à l'écoute de lui-même, beaucoup moins à l'écoute des dangers extérieurs, et normalement, il se fait ramasser. Les voisins vont s'obstiner, s'engueuler un petit peu, et à un moment donné, il y aura un tremblement de terre, il y aura un ouragan, il y aura une épidémie, il y aura quelque chose. Ils vont s'entraider, ils vont fraterniser énormément, et mais 2, 3, 4 ans après, ben, ça peut revenir un peu comme c'était avant. Alors, si on regarde l'homme face aux agressions virales, que ce soit les virus, les bactéries, bon, ces choses-là. L'homme face aux agressions qu'on appelle les accidents. L'homme face aux agressions animales. L'homme face aux agressions naturelles, tremblements de terre, cyclones, ouragans, etc. L'homme a l'obligation, il n'a pas le choix, lui-même peut constater à travers le temps qu'il est laissé à lui-même. Et il est laissé à lui-même pour s'en sortir, mais on s'occupe très bien de lui pour justement le conserver, un, dans l'engourdissement, dans l'obnubilation, dans l'inconscience, dans la peur, dans la culpabilité, dans la gêne ou dans la honte. Il y a énormément de mécaniques qui amènent l'humain à continuellement se rechercher la distraction, se médiocriser, se démolir. Mais face à ce que tu dis que les hommes cherchent à améliorer leurs conditions, finalement... Seulement quand c'est risqué, quand ça va trop mal... Et que c'est risqué que ça l'aille trop encore tant vraiment que l'humain soit exterminé ou bien en fait qu'une partie de ses contingents disparaissent. Là, la majorité des êtres humains vont subitement devenir des êtres extraordinaires. C'est ça que tu parlais, le seuil de tolérance. C'est-à-dire quand le danger est très grand, là, l'homme va se lever puis il va faire quelque chose pour lui. Oui, et c'est ce qui a fait dire à des gens qui ne comprennent pas les mécaniques, à les adorateurs de tyrans, que c'est bon qu'on ait de grands problèmes parce que c'est là qu'on se révèle à nous-mêmes. Mais moi, si j'étais un bon pédagogue, puis je veux éduquer mes enfants, j'ai pas besoin de mettre le feu à la maison pour qu'ils puissent se révéler des bons pompiers. Si, à quoi ça sert d'être un bon pompier si jamais il y aura le feu? Alors, toutes les misères qui font que l'humain arrive à traverser ces misères-là et qui, pour plusieurs, donnent de la valeur à l'humain, sont apparemment des expériences que, selon les religions, on ne vivra pas de l'autre côté. Bref, j'apprends plein de choses. La planète, c'est exactement comme l'école. Tu apprends plein de choses qui ne te serviront pas plus tard. Ils ne serviront pas. Bon, alors, quelque part, il manque énormément de mécanique, sauf évidemment si c'est parce que l'explication qu'on a de la vie, des dieux, du monde, de la mort, est une explication qui fait partie de l'illusion ou qui fait partie du mensonge cosmique. Une explication qui ne contient pas de réalité, qui contient des colorations de réalité, c'est-à-dire des vérités, et qui contient des colorations de vérité, donc du mensonge. Si on se donne la peine d'essayer d'expliquer notre monde, d'expliquer notre vie, d'expliquer notre position planétaire ou stellaire à partir de d'autres points de vue, on se rend compte qu'il y a des concepts, des explications qu'on peut amener qui sont beaucoup plus efficaces que les explications antérieures et qui, non seulement sont efficaces en ce sens qu'elles peuvent expliquer des choses que la religion, l'ésotérisme, la psychologie, les sciences actuelles n'expliqueront pas, mais qu'en plus, elles permettent ces explications-là de pouvoir, pas prédire, mais de pouvoir prévoir des conséquences à des actes. Donc, on comprend des leviers. Et on sait à un moment donné qu'en bougeant tel levier, on aura telle répercussion, alors que j'avais appris, moi, qu'en bougeant ce levier-là, j'aurais cette répercussion-là. Je me suis rendu compte, en étudiant l'histoire humaine, que la majorité des bons leviers qu'on tend à l'homme sont des leviers qui l'amènent à la destruction. Par exemple, les gens... En tout cas, il y a énormément de théories. Toutes ces théories-là sont basées sur une chose, souvent, c'est que l'être humain est créé par un être pur et parfait. Et si c'était faux, on agirait d'une façon très différente et subitement, on prendrait en main notre altruisme. On se dirait quelque part, on est un groupe abandonné sur l'aile droite d'une galaxie et on est abandonné. Et si quelqu'un s'occupe de nous, c'est pour nous niaiser, pour nous narguer, pour rire de nous. Donc, c'est pas en priant que je vais aller aider le voisin C'est en me déplaçant, en allant le voir, que je vais l'aider. Ce que tu veux dire, c'est que dans la mesure où on élimine l'espoir d'être sauvé, ben là, tu commences à faire quelque chose pour toi, là. Et si, par hasard, tu dis, oui, mais tout d'un coup, il y a quand même un bon Dieu, ben, il sera juste plus fier de moi. Mais s'il n'y a pas de bon Dieu, j'attends longtemps, depuis des milliers d'années, et on se demande toujours comment ça se fait que finalement, que l'humain continue toujours à se battre pour le reste d'un pot de confiture, ou à se battre pour un terrain, ou les branches d'un pommier qui dépassent chez le voisin en prend. Quelque part, on devra mettre fin à cette roue qui tourne, qui probablement ne nous appartient pas. C'est une roue de torture, c'est pas une roue de vie. C'est ça, mais si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est constamment des chicanes pour un pot de confiture ou un bout de terrain, ou c'est tout le temps ça, ça arrive. L'évolution scientifique de l'humanité se fait à travers la guerre. Alors, on devrait faire la guerre régulièrement. On devrait bénir les guerres. Bon, l'évolution médicale se fait à travers la maladie et la mort. En fait, ça se fait, moi ce que j'ai compris, c'est que ça se fait à travers les guerres uniquement parce que c'est là qu'on sort les budgets nécessaires, parce que là, il y a une question de survie, et puis que là, on trouve des choses qu'en temps normal, on devrait être capable de trouver si on pouvait mettre la même somme d'argent. On a constaté qu'il y a des forces, on appelle ça les forces du mal, bon, parce que c'est publicitaire, hein, peut-être c'est les forces du bien, remarquez. Non, parce qu'on verra. Si tout le monde reste, ça veut dire que les deux. Mais c'est évident que parmi la première phase d'exploration des sages, parmi la race humaine, donc dans le passé, dans le très très passé, la première chose, c'est que les problématiques viennent de l'extérieur. Alors, il y aura beaucoup de quêtes et de conquêtes pour aller chercher. Pour éliminer les problèmes extérieurs, donc éliminer les voisins qui dérangent, éliminer les peuples, les voisins qui dérangent, aller chercher le Graal, aller chercher une épée magique, Excalibur ou d'autres, Durandal, etc., aller chercher de la magie, faire appel à des forces du mal ou à des forces du bien, être en quête. Avec la découverte que quand tu fais affaire avec les forces du bien, ça me prend 50 ans avant d'avoir une réponse, parce que les forces du mal, tu l'as le soir même. Alors, nécessairement, ça donne qu'il y a beaucoup plus de personnes dans la magie qui vont aller rejoindre les forces du mal, parce qu'en termes d'efficacité, c'est tellement plus évident. Mm-hmm. Bon. Mais ça, c'est réel, ça, que les forces du mal, ils sont plus opérationnels. Les prêtres qui travaillent avec les forces du bien n'ont jamais les effets que ceux du vaudou, ceux de certaines magies africaines, ou encore carrément de la magie noire celtique, ou la magie noire même catholique. Bon, envoûter quelqu'un pour qu'il soit en amour avec toi, c'est banal, mais va voir un prêtre pour qu'il casse l'envoûtement, ça va te demander, pour que je t'envoûte pour que tu tombes en amour avec une personne ici, ça te demande pas d'effort. Pour briser le charme, il va falloir que tu travailles en maudit. Parce que ces forces-là, c'est pas évident qu'ils viennent tout de suite, les forces du bien. Il y a des façons d'arriver à les assujettir. Sauf que là, l'humain, mais il faut comprendre autre chose. Souvent, les forces du mal, l'humain qui les contrôlait, les assujettissait. C'est-à-dire que les sorciers, les mages, trouvaient des façons de les obliger à venir servir. Mais les forces du bien, on leur demandait de venir nous aider. Mm-hmm. On attend encore. Sauf que le Nazaréen, lui, il disait, ainsi soit-il, c'est pas comme il disait. Qu'il en soit ainsi. Donc, lui, il savait comment contrôler ça. Oui. Ça veut dire qu'il donnait un ordre, lui. Mais le Nazaréen contrôlait quoi? Les forces du bien ou les forces du mal? Une chose est certaine, tous ceux qui ont été capables de faire des guérisons pendant ces époques, puis là, 200 ans descendants... Il sortait les forces du mal de chez quelqu'un. Et on les excommuniait, on les brûlait parce que c'était Satan. Ouais. Alors, le Nazaréen qui faisait la même chose, travaillait avec quelle force? Bon, je ne dis pas que c'est les forces du noir. Ce que je dis, c'est que peut-être même qu'on va découvrir que les forces du mal, les forces du bien, sont des forces. C'est peut-être toutes les... Ouais. Bon. Deux revers d'une même chose. Ouais. Mais des fois, c'est pas une médaille, c'est pas une pièce de monnaie, c'est un dé. Ah, donc il y a plusieurs côtés. Ah, il y a plusieurs autres formes, autres facettes. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, donc, a commencé par prétendre que c'était l'extérieur de la problématique, et n'ayant pas su améliorer sa qualité de vie en fonction du contrôle de l'extérieur, la vague a complètement viré de bord et il y a eu par la suite une époque majeure où c'était « connais-toi toi-même », où c'était à l'intérieur de chacun que se trouvait le problème et que se trouvait aussi la solution. Dans certaines visions philosophiques catholiques et quelques autres, les forces du mal se trouvaient en vous et les forces du bien se trouvaient à l'extérieur de vous, en Dieu. Bon. Ça aidait évidemment à culpabiliser un peu les gens et à faire en sorte que les gens ne travaillent pas à partir d'eux-mêmes pour s'en sortir, mais s'en remettre continuellement à un politicien qui promet, mais qui finalement livre ça. Oui, sauf que quand tu veux faire un changement dans ta vie, un changement positif, c'est beaucoup plus difficile d'amener quelque chose de bien dans ta vie que d'amener quelque chose qui va être nuisible. Par exemple, si toi, tu veux arrêter de manger du sucre, ça va être beaucoup plus difficile que si tu veux en manger. Donc, on a l'impression que les forces du mal sont pas mal plus présentes que ce qui veut t'amener à faire du bien. Chose est certaine, je marche dans la rue, je rencontre quelqu'un qui est neutre. Je veux le rendre heureux. Je veux le rendre malheureux. Paf! Réglé. Je veux le rendre heureux. C'est tout un contrat. Mm-hmm. Parce que je rencontre une femme, je lui dis, vous êtes bien jolie aujourd'hui. Oui. Et là, elle va interpréter ça, que je vais coucher avec elle, que je suis dangereux, que je la niaise, peut-être, parce qu'elle est pas là comme elle se trouve. De toute façon, tu vas la déranger. Mais tous les schémas d'interprétation vont venir faire en sorte que je ne peux pas, il faudra que je travaille d'une façon beaucoup plus complexe à amener quelque chose. En plus, tu vas haïr beaucoup plus longtemps, beaucoup plus facilement, beaucoup plus spontanément que tu dois aimer. Des exceptions dans la vie, mais c'est comme ça en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement des mécaniques. Bon, est-ce que ce sont des forces? Une force, normalement, ça engendre des effets. L'électricité, c'est une force seulement si on s'en sert. Alors, l'astral, le mal, ça peut être une force, effectivement, comme le bien. On peut parler de ces termes-là. Sauf qu'après un retour historique de quelques milliers d'années, on peut facilement avoir une vision, on peut découvrir qu'il y a des mécaniques plutôt que des forces. Et les mécaniques sont des mécaniques qui ne sont pas intentionnelles. Mais c'est ça, c'est ce qui fait la différence. C'est qu'une force, ça implique que c'est dirigé. Une mécanique... Une force, spirituellement, une force implique que c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'il y a une intention derrière la force. Alors, s'il y a une force du mal, il y a une intention de faire du mal, spirituellement. Bon, mais une force, le terme force, veut dire que c'est une énergie, c'est quelque chose qui peut créer un effet. Mais est-ce que l'électricité, lorsqu'elle passe dans une ampoule électrique, a l'intention de créer de la lumière? Non. Mais ça reste que c'est une force, mais ce n'est pas une force de vision spirituelle. Par contre, si l'électricité a la capacité de chauffer un filament, ce qui va engendrer de la lumière... Il y a aussi des lois là-dedans, des lois mécaniques et non pas des lois psychologiques. Ce n'est pas une loi dans le sens « tu le fais, c'est puni ». C'est une loi dans le sens que ça décrit une mécanique, on va dire actuellement naturelle, qui fait que l'électricité n'a pas le choix. Mais pas parce qu'elle va être punie. Elle n'a pas le choix de réchauffer un filament et de faire de la lumière. Ça, ce sont des lois, ce sont des mécaniques. Il y a aussi, on fait un retour sur les schémas psychologiques, les schémas scientifiques, les schémas religieux de l'humain à travers son histoire, on se rend compte que l'humain ne se heurte pas à des intentions. L'humain se heurte à des mécaniques. Sauf quand le Nazaréen disait « Satan sort de ce corps-là », il s'adressait à quelque chose d'assez particulier, personnalisé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mécanique, mais on dirait qu'il y a des représentants de la mécanique. Même pas. Mais je vais t'expliquer, on pourra revenir un petit peu là-dessus, peut-être plus en parlant des forces du bien, prochaine conférence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant longtemps, quand le volcan éclatait à côté du village, sur l'île de Trocatouva, qu'est-ce que les gens faisaient? Ben, les gens allaient prier. Les gens demandaient au volcan de se fermer sa grande gueule. Les gens allaient jeter du monde dedans. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intention de détruire le village. Pour punir. Là, c'est là qu'ils faisaient des sacrifices pour essayer que ça arrête. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'intention dans le volcan. C'est une mécanique basée sur des lois naturelles. Mais évidemment, aujourd'hui, on est beaucoup plus civilisés. Mais n'empêche qu'on prie encore des mécaniques naturelles. Et on a évidemment, la science, pas grâce à Dieu, mais grâce aux savants. Grâce à l'humain. Ben, tu dis qu'on prie encore... Mais la science, grâce aux humains, était capable de relever progressivement le voile de l'illusion. Et la science a sorti des mécaniques naturelles. Tu peux prier pour que le blé pousse, mais tu peux aussi l'arroser, ou planter des bons grains, ou faire un tri à travers donc la génétique. Même si tu ne connais pas la génétique, tu replantes les blés plus forts, tu manges les plus faibles. Les plus forts vont engendrer des plants encore plus forts. Bon, au lieu de prier, au lieu de... faire des sacrifices au dieu de la fécondation terrestre, etc., au lieu d'enterrer un cadavre à chaque 50 pieds dans ton champ de bombe, tu fais autre chose. Tu faisais du compost, par exemple. Oui, mais c'est juste là. Quand tu sais qu'il faut un champ nourrir un bœuf, le bœuf, il se plante, il ne peut pas pousser un champ. Donc, c'est pas l'équilibre n'est pas fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand on disait aux gens, ça cesse de prier le volcan, La lave qui sort, c'est bon. On explique des choses. Les imbéciles qui venaient expliquer au peuple que ce n'était pas un dieu, là, ils disent, mais oui, on dort, chaque fois qu'on fait ça, ça, ça, ils se ferment la gueule. C'est normal, le volcan, les volcans crachent rarement pendant des siècles. Bon, le Pinatubo, il commence à se calmer. Mais les gens, à l'époque, c'était pendant des années, il fallait comprendre, il fallait adoucir le dieu, il fallait faire des si. Alors, quand, après les sacrifices, ça ne fonctionnait pas, on décote. Et c'est ça une problématique de l'humain, la dissonance cognitive. Pourquoi le volcan continue-t-il à cracher? Il me faut une réponse. On a sacrifié nos plus beaux enfants, on a sacrifié notre plus beau bétail, on a sacrifié notre plus beau blé. C'est bon, les forces du mal. Il te reste 5 maintenant, des cochonneries. Et l'autre, il n'y en a rien à cirer. Et là, tu te dis peut-être que c'est parce qu'il veut qu'on aille conquérir l'autre île là-bas. Ou bien c'est parce que l'autre île là-bas n'a jamais voulu prier notre Dieu. Puis c'est évident que c'est ça. On va les envahir. Ben, Grim, t'as pas le choix. Comment veux-tu, si tu veux calmer la paix du volcan? T'es 3-4 années de guerre. Fais en sorte que t'as raison. Le volcan finit par arriver sur quelque chose qui fonctionne. Tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, on va expliquer ça d'une façon différente. On va dire aux gens, écoute, on va se retirer un peu. Puis laissez-le donc crier un peu, là. Puis après, à un moment donné, ben, il ferme sa grande gueule, puis arrête. Les tremblements de terre, c'était divinisé pendant longtemps au Japon, puis un peu partout ailleurs. Les cyclones, les kamikazes, les vents divins. Bon, bien, imaginez que deux fois la Chine a essayé d'envahir les Japon, et par deux fois les vents divins, les kamikazes, etc., sont venus balayer les flottes chinoises. Extraordinaire. Donc, les dieux aidaient... quand la grande armada a voulu envahir l'Angleterre, bien, c'est aussi des cyclones, des ouragans qui sont venus. Mais il y en a aussi régulièrement. Il suffit qu'aujourd'hui, par contre, voyez-vous comment on contrôlerait le dieu de l'ouragan? On demanderait à nos satellites si c'est le temps d'envahir. Et là, les dieux n'auraient plus aucune puissance. Si les Chinois veulent envahir le Japon, ils vont demander à leur satellite météo de leur dire « Y a-t-il des vents divins dans les parages ou pas? Y a-t-il des conditions à la création de vents divins? » Non, on va envahir et ce coup-ci, les vents divins ne pourront pas rien faire. L'humain doit comprendre que dans les forces du mal, par exemple, il y a des mécaniques. Ces mécaniques-là sont des mécaniques naturelles qui peuvent être comprises par l'être humain et qui peuvent être contrôlés par l'être humain. Et là, je vais donner des exemples de mécaniques des forces du mal. Mais comme tout à l'heure, tu disais toi-même, quand tu veux manger du sucre, tu aimerais ne pas manger du sucre, ça fait partie de ce que moi j'appelle la mécanique de l'expression humaine dans ce chronotope, c'est-à-dire dans cette forme de monde où, pour tous ici, pour les humains sur la planète, vous êtes contraints par une mécanique à vous exprimer en vous autodétruisant et en recherchant sans arrêt le malheur et la souffrance. Ça, c'est une mécanique. Ouais. Alors, l'humain ne peut pas y échapper à cette mécanique, sauf évidemment s'il finit par en comprendre les tenants et les aboutissants, pour parvenir à contrôler cette mécanique. De ce fait, l'être humain va être attiré facilement vers quelque chose d'alimentaire qui va anéantir son corps et devoir travailler énormément, manger bien, parce que ça ne fait pas partie de la mécanique. L'humain va être sans arrêt en train de se nourrir psycho-émotivement de malheur, donc de chicanes, de disputes, de lectures, de films, d'horreurs, de n'importe quoi, parce que ça fait partie de la mécanique qui l'oblige à s'exprimer de cette façon-là. Et à l'intérieur de l'humain, quelque part, l'humain a besoin de bien, besoin de ceci, besoin de cela, mais dans la mécanique d'expression, dans ce chronotopsy, dans ce monde-ci, il arrive simplement ceci: voulez-vous vivre en paix? Pas de problème. On va vous mettre un petit peu de malheur autour de vous. Puis le fait que vous vouliez vivre en paix va engendrer suffisamment de malheur chez vous que vous allez être en harmonie avec les lois de cette mécanique. Vous allez pouvoir souffrir parce que vous voulez la paix. Alors qu'un autre, lui, veut le malheur, et dans son malheur, il ne sera jamais satisfait, il aura toujours ceci, il aura toujours cela, et par principe, il va aussi dire qu'il ne veut pas le malheur, et on va se rendre compte que sa démarche de vie fait qu'il recherche sans arrêt cela. OK, mais ça, tu disais tantôt, les forces du mal, c'est à l'extérieur, ce sont des mécaniques, mais là, comment ça se passe pour que ces mécaniques-là agissent, pour qu'on recherche? Je dis que les forces du mal sont à l'extérieur. Les forces du mal, ce sont des mécaniques d'un type particulier de monde, un chronotope, c'est-à-dire un lieu spatio-temporel particulier dans lequel on se retrouve et dans lequel l'humanité est. Donc, c'est un chronotope, ça a des lois particulières. Et si on change de chronotope, on change de monde, et non, on ne change pas le monde. Mm-hmm. Et il y a moyen de changer de monde, c'est-à-dire d'avoir des gens comme ceux qui sont ici, là, mais qui sont assujettis à d'autres lois. À des lois où l'expression de leur intelligence va être perçue par la paix, par l'harmonie, etc. Alors qu'actuellement, l'expression de l'être humain dans un chronotope comme celui-ci est toujours exprimée avec des problématiques. Puis quelqu'un va dire, c'est pas vrai, moi je fais du bien régulièrement, exactement. Et, mais vous avez besoin de gens malheureux pour faire du bien, sans ça, on ne peut pas faire de bien. Donc, on a besoin d'un monde malheureux pour être capable de vivre, pour être dedans. Mm-hmm. S'il n'y avait pas du mal, s'il y avait pas du malheur autour de nous ou de la, simplement des difficultés... L'homme serait malheureux. Mais est-ce qu'on aurait aussi le goût de faire le bien ou qu'on a le goût de faire le bien juste parce qu'il y a du mal, ça a différent. Il y a une mécanique d'expression, exactement comme il y a des personnes qui transpirent plus que d'autres. Là, on pourrait dire, ben cochon, transpire bien, contrôle-toi un peu. Il y a des gens qui ont des cellules adipeuses, ils en ont plus. Ils engraissent facilement. Puis là, il y en a qui vont dire, c'est tu le gros cochon, la grosse cochonne? Contrôle-toi donc! C'est comme ceux qui fument, ils veulent arrêter de fumer. Ah oui, t'as même pas de volonté. Ben, injecte-moi ça de volonté, tu vas arrêter de fumer, il n'y a aucun problème. La personne ne veut arrêter de fumer, il n'y a aucun problème. Mais la façon dont c'est exprimé son intelligence à travers ce monde, elle va continuer à fumer. Il y en a qui vont dire, non, moi j'ai réussi à arrêter comme ça, pas de problème. Tu manges du sucre, tu as des relations sexuelles qui n'ont pas de sens, tu as ceci, tu as cela, tu chiales, tu gueules, tu es nerveux, tu as des ulcères. C'est ça la volonté, là, comme ça, arrêter de fumer, tu as de la volonté pour le reste aussi. Non, ça dépend des êtres humains. Il y en a qui... Moi, j'ai de la volonté pour parler. Bon. Mais j'en ai pas pour me taire. Donc, je n'ai pas de volonté pour parler, parce que si j'avais de la volonté, j'aurais de la volonté. Tu en aurais pour n'importe quoi que tu veux faire. Évidemment. Moi, je suis courageux quand un chien m'attaque, mais j'ai peur quand c'est un chat. C'est pas ça du courage. Lui qui est courageux, c'est un pauvre type qui est capable de vivre la peur puis qui a assez d'ego pour être capable de l'écraser. Courageux. Comme moi, dans mon cas, je suis pas courageux parce que j'ai pas peur. Ce qui fait que j'ai pas de médaille. Ça fait partie des lois d'expression de la nature humaine dans ce monde-ci, où l'humain doit sans arrêt se prouver, s'éprouver, sans arrêt se prouver, c'est une loi de la mécanique. Vous avez réussi des bonnes choses dans votre vie? Parfait. Ça fait combien de temps? 2 ans? Bon. Est-ce que vous vous sentez bien aujourd'hui? Non, pas plus qu'avant. Il faudrait recommencer sans arrêt. J'étais champion de l'Est du Canada en judo. Et puis, à un moment donné, ben, tu gagnes, c'est bon. Mais l'année d'après, faut-tu regarder encore? Parce que sans ça, tu n'es plus... L'année d'après, tu regagnes encore, parce que sans ça, c'est sans arrêt. Jusqu'à temps que tu finisses par te vautrer dans ta mémoire, puis que tu te dises que finalement, tu as accompli les bonnes choses, puis finalement, tu n'as pas le choix de dire ça, sinon, tu recommences encore à te battre. Okay. Ça fait partie des forces du mal, finalement. Oui. Donc, des mécaniques. Comment on fait pour arriver à ce qui nous foutent la paix? On va parler un peu d'expérience. Ouais, après ça, on pourrait traduire. OK. Vas-y. Ben, justement, je voulais te demander. Non, moi, j'ai les forces du mal. Tu connais pas ça. Non, non. Ben, quand on était inconscient. C'est que t'as eu une... Tu les as. Tantôt, je voulais que tu parles de forces du mal personnalisées, parce que toi, tu m'as déjà raconté que tu en avais rencontré. Puis, je voudrais que tu en parles un peu, parce que je trouvais ça intéressant. Bon, ben oui, je l'ai rencontré, mais ce qui est intéressant, c'est que... Et c'est ça qu'il faut être lucide pour affronter le monde. C'est... Parce que, il y a... Moi, je dis depuis que j'ai... je suis capable de parler, puis que ma mère ne me contredit pas, que tout est possible. Et au fur et à mesure